Coco, les acolytes, M6 Sport, Manifeste, Mousse RDA, KMS, Souris, 2011 frère, ok, sur les nerfs la famille, envoie la crème, youth, EatMusic.com. D'entrée, je casse le beat et les petites bites. Baisse tes mots, casse le crâne au pied de biche. On parle pareil, on fait nos jazz comme les postiches. Pour mes gars dans le trafic de hashish. Nique les stars et les gros fils de racistes. Italia, toujours fier de mes racines. Respirez, je le baise, Materazzi. Jack Daniel, Materapi. Sur les nerfs avec les frères des acolytes. J'rappe sincère, j'parle vrai comme un alcoolique. Baisse les MC fatigués pour la colique. J'assume, j'règle mes comptes à coups de loupic. 2011, trop d'MC parle de brolic. Mat ma gueule, j'suis le frère à Nico Bellic. Ils parlent trop mais avancent comme des péniches. On fout la haine aux bouffeurs de pénis. Le sentiment d'abandon, t'étonne pas si j'rate. C'est les mots d'un de ceux qui suent. Avec Pasty Jack, ce 4 me vient avec du stage. J'suis pile dans la situation, ça vient du cœur, c'est pas des stars. Fais tourner si tu as le son. Qu'est-ce que tu veux qu'on trace notre route? On est paumé, épaulé par les potes et encore faut pas déconner. On se fait ken par l'entourage, tu m'étonnes qu'on ait plus confiance. Le seum, la rage qui pour le cœur est atrophiant. On s'en mêle les pinceaux en voulant dessiner nos rêves. Sans réelle conviction, moi je sais très bien que je n'aurai pas tout ce que je désire. Mais par contre je vais m'en rapprocher en attendant chaque des projets. Là c'est du bon, rapprochez vos têtes cramées. Car là c'est vous qu'on représente, Zona Scarla dans le rageux. On rappe tout ce que les représentants, on s'est lancé pour ouvrir dans le fric. Un conseil garde ta veste si t'avais dans l'idée d'envie. Besoin de crier ma rage au monde, parce que tout le monde a ta valeur. Ce son c'est une trêve, j'ai plus qu'à te dire avaleux. 2011 frère, l'équipe passe à l'offensive. Et ouais la mif, encore un son qui pète les chances. Mon texte c'est du sérieux, c'est pas du comico. Du oppression de l'extérieur, moi j'ai le sourire comico. Un temps d'achat, trop de consommation. D'action, j'ai pas de sommation. On a trop dit que la vie était une cigare. On a trop rêvé de grosses caisses, de gros cigares. 2011 frère, l'équipe passe à l'offensive. Et ouais la mif, encore un son qui pète les gencives. Tous sous tension, parfois calme, parfois agressif. En 5-5 tu deviens dépressif. Tous sur les nerfs, on veut tous la paye à Messi. Ramène une pipi, je l'embraye pessif. On fait nos affaires, demande aux jumeaux. Rina et As dans le cœur, big up les frérots. On reste nous-mêmes, peut-être pour ça qu'il y a tout qui voit. On court après le bif et le pouvoir. On pète un fusible à cause de trucs futiles ici. Te respecte si t'as le plus gros fusil. A la drogue, les petites chez moi se déchirent. Rien que ça charbonne, avance carbone sans réfléchir. Désolé les gars, je dois aller bosser. Je dois nourrir la famille, s'il faut j'irai voler. S'il faut je ferai les deux, pas moyen de détourner. Pour le moment on fait les buzz, qu'un jour on va se retourner. La passion a des limites, la raison est inhumée. Et Jack m'a dit ok, si t'en as qu'une tu lui mets. Et t'as compris, on est prêt à tout. Y'a longtemps qu'on est prêt, mais là on est pris debout. Ça parle d'achat, trop de consommation. D'action, de flics, de tir, pas de sommation. Ça m'a bandé, ils font les sourds et les muets. À croire qu'ils ont les yeux bandés. Bien entendu, j'ai pas le rap avec mention. T'as bien entendu, je ramène la vérité au mensonge. Sois pas tendu, tu connais la rime. T'as compris, tu me connais, fais tourner le bon son. Besoin de crier ma rage au monde, parce que tout le monde a de la valeur. Ce son, c'est une trêve, j'ai plus qu'à te dire avaleux. Sur moi des satanes, des gringues, je remets. Je rappe comme si je te parle, c'est mécanique, je fais du seum. C'est pas du comico, du oppression de l'extérieur. Moi j'ai le sourire comico. Décris la rue, des crânes, crie mon petit délit. Attiré par les flics, dans la lèche, rigon ribéry. Overdose de soucis, c'est grave comme la rue le bousille. Je rappe comme si je tirais au fusil. Game over, j'suis pas un lover, j'lève mon verre même en poursuite. C'est relatif, la rue est maladive. On cherche tous les portes du paradis. Après chaque béto, j'crie à la terre. C'est moi des sataniques, rien que je remène. J'rappe comme si je te parle, c'est mécanique, j'fais du seum. C'est malheureux, la vie est dure quand tu marches seul. C'est douloureux quand t'as pas tué, c'est mortel. Les bâtards portent l'œil jusqu'à l'orteil. 3-0, toujours loin du cercueil. J'ai pas d'orgueil quand j'suis dans le wargame. Tout est un test, dans cette vie chaque geste se manifeste par une tuerie. Chaque personne est unique, j'appartiens à la tribu des unis. J'fais filer de l'encre. Joue le match, nique le clash, qu'il se gâche entre eux. Coupe le H, évite le flash. Mec, j'ai pris de l'âge, des rides, des pages à otage. J'écris des rimes, je prends le large, mon esprit dérive. Cru comme souris, je fais durer le featuring. Rat de rue, je souris que sous l'effet des fruits du riff. Décris la rue, des grands cris, mon petit délit. Attiré par les vitrines, la lingerie comme Ribéry. Devant les femmes, les affamés se querellent. Écœurés, les frères prennent du ferme pour presque rien. Instable, change de femme ou de numéro, mec. Rien ne change, dur d'être honnête avec 1000 euros net. Et ouais, j'ai vu même les pieux en venir aux mains. Car le chemin est long pour devenir humain. Condamné par des articles, des textes, des règles, des lois. J'emmerde l'état, j'préfère être moi. Qu'être besoin de crier ma rage au monde, parce que tout le monde a de la valeur. Ce son, c'est une plaie, j'ai plus qu'à te dire à valeur. Attiré par la tiraille, depuis la tendre en face. Y'a de quoi, ça vite faire mal, avant que ça qu'on fait de la phrase. Mon texte, c'est du sérieux, c'est pas du comicro. Du oppression de l'extérieur, moi j'ai le sourire qu'au micro. La vie nous laisse au goût amer, on vit là sur les nerfs. On vise la mer, on reste la vue sur la mer. Les faux MC j'acte comme des VIP. Les rétiques et les tueurs de VIP. J'suis un mec droit, pas un enculé. J'respecte les frères, pas les lois. Moi j'suis pas véracunier. J'ai pas nous guette, la haine coule dans nos veines. Des flammes dans les yeux et du sky dans nos verres. J'en place une sale bourge, j'rêve de bande dans vos palaces. Nous on casse, nous paye dans la drogue douce ou au Dallas. Forcé de résister, ça dit les voiles à l'étalage. Les vies se recrutent plus que l'armée. Ils s'en tapent, c'est un parlage. Attiré par la tiraille, depuis la tendre enfance. Y'a de grosses envies de faire mal à voir ce que ça refait de la France. Si on monte l'affront, fait pas faveur à ces bâtards. Parce qu'ils nous disent que fumer tu mais pas riche d'arbre des matards. Les acolytes en connexion, pas pour faire de gâterie. Mais lâcher des tas de rimes avec d'autres gars de nid. Je débarque en motocross, même en roue arrière. Je rappe en autoprod, mes fous alliés sont tous derrière. La vie nous laisse un goût amer, on vit là sur les nerfs. On vise la mer, qu'on rêve d'une ville à vue sur la mer. Si on finit millionnaire, t'inquiète, on sera père. Riche de problèmes, le paradis n'est pas sur la terre. On s'en fume la tête, entre compères, y'a pas de blême. Si ça part un coup, frère, on coopère. Nique les faux hauts frères, ceux qui partent trop. On regrette ceux qui partent tôt, les souvenirs un fardeau. Je préfère notre argot à leur littérature. Je suis contre Sarko, leur bavure, leur caricature. La vie c'est déjà dur, mon ça complique, trop complexe. Mon thème, mon parcours est plein de ratures. Yeah, à la Yann, voilà une panoplie. Vrai comme Jaffa Coli, le rap on l'aime à la folie. Besoin de crier ma rage au monde, parce que tout le monde a de la valeur. Ce son c'est une flèche, j'ai plus qu'à te dire à valeur. On parle pareil, on fait nos jazz comme le postiche. Pour m'éclater dans le trafic de hashish. Mon texte c'est du sérieux, c'est pas du comicro. Du oppression de l'extérieur, moi j'ai le sourire comicro. On se fait gagne par l'entourage, tu m'étonnes qu'on est plus bon.